Page 125. Exercice 4. 1. J'ai été invitée à l'inauguration de l'exposition, ce qui est plutôt agréable. 2. Mon fils n'avait absolument pas travaillé, donc il a eu une très mauvaise note en maths. Quand il est rentré à la maison, il n'était pas fier et attendait mes reproches. 3. J'aurais dû inviter Étienne à venir avec nous. Le pauvre, il va rester seul et triste pendant que nous serons en vacances. Cela me gêne beaucoup. 4. Quand tout le monde s'est moqué de moi à cause de mon lapsus, j'ai fait comme si je riais, mais franchement, j'avais honte. 5. Ce film était extrêmement drôle et a provoqué des éclats de rire dans le public.